Bonjour à tous, c'est Gabriel Leblanc qui vous accompagne encore une fois ce matin avec la lecture de la Bible. Nous en sommes à Genèse 39 dans l'Ancien Testament. On avance plutôt rapidement. Et je suis content de vous parler depuis les studios du ministère Cœur d'Angle sur la côte de Beaupré, avec cette magnifique vue sur le fleuve Saint-Laurent. Donc on continue, on va se rapporter à un autre fleuve, celui du Nil. En fait, il n'est pas question du Nil, mais on peut s'imaginer que c'est proche du Nil. On va parler de l'histoire de Joseph en Égypte et comment il a résisté à la tentation, comment Joseph est devenu, pas juste avec cette action-là, mais comment Joseph est une préfiguration de Jésus qui lui aussi a été tenté. Alors, lisons comment l'histoire se déroule. Aujourd'hui, je lis dans la version Colombe. Genèse, chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, Chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service et qui l'avait établi comme intendant sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar l'eut établi comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était d'une très grande beauté. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Elle avait beau en parler jour après jour à Joseph, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher avec elle pour s'unir à elle. Un jour, il entra dans la maison pour faire son ouvrage. Il n'y avait là, dans la maison, personne des gens de la maison. Alors elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en ces termes. « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je me suis mise à crier très fort. Quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître entre à la maison. Alors elle lui parla de la même manière en lui disant « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. » Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait réussir ce qu'il faisait. Après ces événements, il arriva que l'échanson du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon, indigné contre ces deux chambellans, le grand échanson et le grand panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à la surveillance de Joseph, qui était de service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps aux arrêts. Au cours d'une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous deux un rêve, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. Alors il questionna les chambellans du pharaon qui étaient avec lui aux arrêts dans la maison de son maître, et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui? » Ils lui répondirent « Nous avons fait un rêve, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait et lui dit « Dans mon rêve, voilà qu'il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut bourgeonné, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe du pharaon et je mis la coupe dans la main du pharaon. Joseph lui dit « Voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours. Et le pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du pharaon dans sa main comme tu le faisais d'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et agis, je te prie, avec bienveillance envers moi. Rappelle-moi au souvenir du pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis au cachot. » Le grand panetier, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph, moi, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait de tout ce que fait un panetier pour la nourriture du pharaon. Or, les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit en ces termes, voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et le pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour anniversaire de la naissance du pharaon, il fit un festin pour tous ses serviteurs, et il releva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction, et celui-ci mit la coupe dans la main du pharaon. Mais il fit pendre le grand panetier, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve. Il se tenait près du fleuve. 7 belles vaches grasses montèrent du fleuve et se mirent à paître dans le marais. Puis 7 autres vaches laides et maigres montèrent derrière elles du fleuve et se tinrent à côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 belles vaches grasses et le pharaon s'éveilla. Il se rendormit et fit un 2e rêve. 7 épis gras et beaux montaient sur une même tige. Puis 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussaient après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et le pharaon s'éveilla. Voilà le rêve. Le matin, le pharaon eut l'esprit agité et fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Le pharaon leur raconta ses rêves, mais personne ne put les expliquer au pharaon. Alors le grand échanson prit la parole et dit au pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Le pharaon était indigné contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes ainsi que le grand panetier. Nous avons fait, lui et moi, un rêve dans une même nuit, chacun un rêve susceptible d'être expliqué. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté et il nous a expliqué nos rêves. À chacun, il a expliqué son rêve. Tout est arrivé exactement selon l'explication qu'il nous avait donnée. Le pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre l'autre. Nous continuerons l'histoire de Joseph demain avec l'explication du rêve de Pharaon. Psaume 17, prière de David. Éternel, écoute ce qui est juste, sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans ruse. Que mon droit paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma parole ne dépasse pas ma pensée. À la vue des actions des hommes, par la parole de tes lèvres, je me garde des sentiers des violents. Mes pas sont fermes dans tes voies, mes pieds ne chancellent pas. Je t'invoque car tu me réponds, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, montre les merveilles de tes bienfaits. Par ta droite contre les assaillants. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui me cernent. Ils se renferment dans leur graisse, leur bouche parle avec orgueil. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils jettent les yeux sur nous pour nous étendre à terre. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repaire. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, fais-le plier. Délivre-moi du méchant par ton épée, des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de ce que tu as mis en réserve. Leurs fils sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs jeunes enfants. Pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Proverbe 3, versets 15 à 18. Elle est plus précieuse que les perles, et tous les objets de tes désirs n'ont pas de sa valeur. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers apportent la paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent sont heureux. Marc, chapitre 12, les versets 18 à 37. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eue pour femme? » Jésus leur dit, « Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. » Un des scribes, qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus poser de questions. » Jésus prit la parole et se mit à enseigner dans le temple. « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David? » David lui-même, animé par l'Esprit-Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? » Seigneur Dieu, tu prends soin de nous, ton peuple. Tu prends soin de tes enfants comme un père qui aime à la perfection, puisque ton amour est parfait. Tu nous combles de cet amour. Tu veilles sur nous comme sur la prunelle de l'œil. Tu nous caches à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Alléluia, on veut te louer parce que tu es grand, parce que tu nous tiens dans ta main. Et tu es souverain, Seigneur. Ce qui se déroule, c'est pas sans ton consentement que ça se déroule. Il n'y a rien sous le soleil qui te surprend. Tu connais tout. Et je te remercie, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui t'avons. Comme Père, merci de nous avoir sauvés, puis merci à chaque jour de nous remplir de ton Esprit Saint. Je te prie encore aujourd'hui que tu nous remplisses de sa puissance, puis que tu nous fasses déborder de joie pour que les autres autour de nous voient que nous avons un grand Dieu. Amen.